France Impro, ça donne chaud. Eh bien, bonjour à tous. C'est en effet France Impro ce matin. C'est une émission de rentrée, j'ai l'impression, parce qu'on a fait une belle pause de à peu près mi-juillet, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est Jean-Michel au micro, on est tous les deux avec Dominique. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. On espère que vous avez passé un bel été, probablement. Peut-être qu'il fut tendre pour vous. Voilà, donc on va se faire une rentrée tranquillement ce matin. Il y a pas mal d'agendas, des concerts, on verra ça à la fin. Il y a aussi des disques qu'on a amenés, des choses qu'on a envie de partager avec vous. Et on s'est demandé, moi je me demandais hier soir, bon, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la structure de l'émission? Bon, je n'ai pas vraiment trouvé, alors on va faire une émission déstructurée. J'espère que ça ne vous troublera pas trop. Ça commence bien pour une rentrée. Hein. Ça va bien pour une impro et une rentrée. On va partir là-dessus. T'as envie de dire quelque chose, Dominique? Non, vas-y, non. Présente le premier. Et du coup, ce qu'on va, pour démarrer, moi, je suis tombé sur un disque là que j'aime beaucoup, qui est un duo entre Donick Lazereau, qui est un saxophoniste, notamment baryton français, et Joël Léandre, contrebassiste, dont on a déjà pas mal parlé dans cette émission. Un duo, un disque qui s'appelle Asparan, et moi, j'aime beaucoup, c'est dans les graves, c'est très doux. Et c'est très chouette, je trouve, pour commencer la matinée. Voilà, on se l'envoie tout de suite. Thank you. Voilà, c'était un disque qui s'appelle Asparane. C'était Donick Lazerot avec Joël Léandre. Joël Léandre à la contrebasse et Donick Lazerot au saxophone baryton. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce travail sur... Ouais, j'étais en train de régler les CD pour le prochain. Sur la matière sonore, en fait, dans les graves, comme ça. Je trouve que c'était assez émouvant et très beau. Je l'ai écouté plein de fois avant de vous le passer ce matin. J'ai découvert, en fait, assez récemment, Donick Lazerot. Je ne sais pas si tu connais beaucoup, Dominique. Non, je ne connais pas tellement. En fait, c'est un saxophoniste qui a commencé sa carrière dans les années 75 avec un contrebassiste américain qui s'appelle Seb Sarbib. Et qui a toujours été très, très singulier et en même temps très intègre dans sa démarche, qui fait qu'il a été pas mal écarté des scènes en général. Pendant longtemps, il a eu des assez rigides aussi, enfin rigide, c'est pas le mot, assez critique envers la politique, etc. Et les milieux de la programmation en général, ce qui fait qu'il a été peu programmé. Il a quand même une super belle discographie. C'est quelqu'un qui a joué avec des gens comme Joël Léandre, George Lewis, avec plein de gens, avec Michel Donnet en trio, avec les Kuanin d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, ce sera un CD à trouver celui-là. et voilà, il a enregistré avec des gens comme Evan Parker aussi, Yannick Nosati également, en trio dans un truc qui s'appelait Indies Orchestra. Avec Jean Bolcato et Christian Rollet. Voilà, il a été invité par l'Orchestre National de Jazz aussi, avec de Denis Levatet. Voilà ce qu'on peut dire. On va peut-être s'écouter un deuxième morceau de ce CD-là, si ça vous dit. Et puis... Je vais juste intercaler une petite anecdote, parce que tu disais qu'il était assez critique par rapport à la politique. Et tu parlais aussi d'Evan Parker, ça me rappelle une anecdote. Evan Parker est passé il y a quelques années à Toulouse, faire un petit concert dans la librairie Ombre Blanche. Et il racontait qu'il avait commencé à faire de la musique dans les années 60, 70, et que c'était naturel de faire de la musique pour lui, et même pour son entourage. On lui disait, de toute façon, là, avec les machines qui arrivent, on va avoir de moins en moins besoin de travailler, donc on va se préparer pour la société du loisir. Et donc faire de la musique, être musicien, c'était complètement naturel. Et en fait, il y a effectivement eu une mécanisation du travail, il y a eu de moins en moins besoin de travailler, mais on n'est pas tellement arrivé à la société du loisir, on ne peut pas vraiment dire ça, on est plus arrivé à la société du chômage. Et en fait, Evan Parker a eu cette phrase qui résume beaucoup de choses, je trouve, il a dit « Il me semble que les bénéfices de la mécanisation du travail n'ont pas été équitablement partagés. » Et je trouve que c'est extrêmement bien résumé et bien vu, et que ça pose le problème d'une façon subtilement différente de ce qu'on entend un peu partout. Voilà. Donc juste... En effet. Peut-être un petit mot. Si vous entendez des bruits d'enfants, c'est normal. On a un petit garçon qui s'appelle Philemon dans le studio. De temps en temps, il a envie de s'exprimer. Il vous dit bonjour. Voilà. On s'écoute un deuxième morceau du duo. À tout de suite. Thank you. Voilà, c'est un deuxième morceau de cet album en duo de Joël Léandre avec Donny Clazereau qui s'appelle Aspirant. Voilà. Joël Léandre, on en avait déjà parlé un peu, je pense, l'an passé concernant cette contrebassiste magnifique. Il faut savoir qu'elle a joué quand même, elle a travaillé avec des gens comme Morton Feldman, avec John Cage, avec Merce Cunningham en musique contemporaine. Ils lui ont composé des morceaux, donc c'est une musicienne internationalement reconnue. Hein. Évidemment, elle est active dans le monde du jazz, de la musique improvisée. Elle a travaillé pour la danse. Elle a fait énormément de choses. Elle a une discographie qui est... J'arrive pas à le voir à la fin. Je l'ai sous les yeux. Là. Enfin, il y a des dizaines, il y a peut-être pas tout. Hein. Il y a des dizaines et des dizaines de CD. Ouais. On se disait que pour poursuivre, on allait peut-être suivre l'agenda des concerts de ces prochains jours. Et du coup, pour vous dire que ce soir et demain, il y a un festival qui s'appelle Forêt, qui sont des journées musiques intuitives. Forêt avec plein de E. Avec plein de E, accent circonflexe. Ouais. C'est des journées de musiques intuitives et musiques improvisées. Dans le coup se rend, l'idée c'est de rencontrer cette pratique musicale basée sur l'exploration, la recherche, les musiques libres, etc. Il y aura des conférences, il y aura des concerts, il y aura des expériences auditives et sensitives. Voilà, c'est organisé avec Bernard Astier, Dibou Bakker, plein de gens, je ne vais pas tous les citer. C'est 5 euros, ça se passe à un endroit qui s'appelle Les Basis, c'est dans le coup se rend donc à Sainte-Croix-Volvestre. Voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est aujourd'hui et demain. Ça paraît vraiment, vraiment chouette. Demain également, il y a un concert qui s'appelle Les Dimanches Impromptus. Ça se passe à l'espace R à Saran. C'est dans le Gers. Et ensuite, du 16 au 18, il y a un festival qui s'appelle Rock in Opposition à Carmaux. Donc, ce n'est pas forcément de la musique improvisée, mais il y a des choses extrêmement intéressantes à aller voir là-bas. C'est à Carmaux. Donc, il faut regarder sur le site du festival. Rock in Opposition, ça s'appelle. Et voilà où je voulais en venir. Il y a Marc Ducret qui sera en concert au Théâtre du Pavé dimanche prochain, le 18. Et Marc Ducret invite Journal Intime, qui est un trio de soufflants, Sylvain Bardio à la trompette, Mathias Mahler au trombone et Frédéric Gaspard au sax basse. C'est dans le cadre de l'ouverture du Pavé dans le jazz de la saison, qui sera présentée à partir de 18h par notre ami on pense à lui tous les jours presque, et on ne trouve pas son nom quand on en a besoin. C'est pas grave, ça reviendra. On l'a vu tout l'été, mais bon, il s'occupe également de jazz à Luz, et c'est lui qui organise ça. Donc il va présenter l'ouverture du Pavé dans le jazz dimanche prochain à 18h au Théâtre du Pavé, suivi d'un concert avec Marc Ducret. Donc on se disait que ce serait bien d'écouter un peu de quelques morceaux de Marc Ducret ce matin plutôt, j'en perds mon latin. Et on va commencer par un disque en solo qui a été enregistré à la Villa Médicis, parce que cet homme, n'est-ce pas, est un guitariste, on en parlera un petit peu après, qui a démarré sa carrière professionnelle à 17 ans, qui a été extrêmement rapidement reconnu et joué dans plein d'ensembles extrêmement importants. Il était invité dans l'Orchestre National de Jazz également assez vite. Il a une très belle carrière entre le rock, le noise, l'improvisation. Je lisais quelque part là, c'est comme si Boulez avait rencontré Hendrix, quoi, et avait fait un guitariste un peu improbable. C'est Marc Ducret. Donc on va s'écouter un morceau qui est issu de ce disque en solo à la guitare sèche. Voilà, c'est parti, on en parle après. Thank you. Vous êtes sur France Impro. Et oui, c'est France Impro ce matin. Il est 10h30 sur FMR 89.1. On est en direct. C'est Jean-Michel au micro avec Dominique. Ce matin, on est ensemble. On vous fait une émission déstructurée, on va dire. Mais finalement, petit à petit, on trouve notre structure qui est l'agenda des concerts de la semaine et de la suivante. Et on est bien là. On espère que vous êtes bien aussi, que vous vous levez tranquillement. On vous a mis des musiques douces, je crois, ce matin, pour commencer là. C'était bien, un peu dans les graves. Puis maintenant, dans les peut-être un peu plus aigus, avec Marc Ducret, avec ce disque en solo, enregistré à la Villa Médicis. Cet homme a eu la chance d'aller être en résidence là-bas. T'as dit en quelle année c'était, ce disque ? Ça doit être assez ancien, non ? Écoute, voyons. Je ne le sais pas. C'est pas grave. Attends. Ah si, c'est 1000, c'est ancien. Ouais, c'est 1900 quelque chose. D'accord. Bon, ça suffit comme information. Non, je sais pas. C'était donc en fait, il y a une vingtaine d'années déjà. Hein. C'est très peu. Ah là là, ça ne rajeunit pas tout ouais, ça. Je dirais que c'est en 97, mais je suis pas sûr. Ouais. Voilà. Et oui, c'était l'occasion de rappeler donc le Théâtre du Pavé dimanche prochain à partir de 18h. C'est l'ouverture de la saison du Pavé dans le jazz. Par monsieur Jean-Pierre Lahirac, n'est-ce pas ? Jean-Pierre, on t'adore, je suis désolé, on a vraiment échappé ton nom tout à l'heure. Jean-Pierre, certainement le meilleur invité de France Impro qui est venu ici bien trois fois. Ouais. Et qui reviendra, c'est sûr, cette année et l'année prochaine. Et donc... Marc Ducret, donc, on vient d'entendre, il joue également avec trois soufflants, journal intime, pour un concert au Théâtre du Pavé. Donc, j'imagine que ce sera autour de 19h30, 20h peut-être. Il faut s'inscrire. Enfin, il ne faut pas s'inscrire, il faut prendre ses places. Le tarif normal, c'est 14 euros. Et 9 euros pour les étudiants, etc. Plein feu, c'est 4 euros, etc. etc. Enfin, il y a tout sur les sites. Le Théâtre du Pavé, c'est rue Maran, à Toulouse, hein, bien sûr. Près de la gare Saint-Agne. Eh ben, je vous propose de poursuivre avec Marc Ducret avec un deuxième morceau, cette fois dans un disque différent où il joue avec d'autres musiciens comme Michel Benita à la contrebasse, Enrico Ravo à la trompette. Enfin, il y a plein de gens, on ne va peut-être pas tous les citer. Renaud Garcia-Fons à la contrebasse également, Yves Robert au trombone. Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Un disque qui s'appelle Gris, que j'aime beaucoup, qui a beaucoup plus d'énergie. Donc, ça va nous réveiller. Tranquillement, voilà, on poursuit, à tout de suite. Thank you. Voilà, c'était Marc Ducret en groupe avec 8 autres musiciens sur un album qui s'appelle Gris. C'est un album que vraiment, moi, j'adore. Et c'est un album qui est sorti par le label Bleu. Vous savez, le label de la Maison de la Culture d'Amiens, cher à Henri Texier, Julien Louraud, enfin, il y a plein de musiciens qui sont sortis de là, Boyan Z, etc. etc. C'est un excellent album. Le morceau s'appelait Julie s'est noyée. Vous avez remarqué que c'était du réveil, mais quand même encore doux hein, pour ce matin, 10h30. On va poursuivre, si vous le voulez bien, avec un autre morceau qui s'appelle Espace Blanc. Voilà. Thank you. Voilà, c'était Marc Ducré sur le disque Gris. C'est le nom du disque Gris, du label bleu de la Maison de la Culture d'Amiens. C'est un disque assez ancien, avec Michel Benita à la contrebasse, Joël Alouche à la batterie, Enrico Rava à la trompette, Yves Robert au trombone, Jean-François Jeannot au saxophone, Andy Emler au piano électrique et Renaud Garcia Fons à la contrebasse. C'est un morceau qui s'appelait Espace Blanc. C'était un beau morceau pour le réveil. J'adore ce disque, en fait. Voilà. On va changer d'ambiance maintenant. On va poursuivre l'agenda des. Donc, rappel, dimanche 18, hein, à partir de 18h, présentation de la saison Pavé dans le Jazz par Jean-Pierre Leirac, suivi d'un concert Marc Ducré avec le trio Journal Intime. Voilà. Dans la suite, le 20 septembre, donc ce sera un mardi soir, si je ne me trompe. Il y a une soirée au Pavillon Sauvage. Donc, le Pavillon Sauvage, c'est au Ménime. Vous savez, c'est rue de Chaussas. Et il y a une soirée avec BDC Label, Apollonius, Abraham Schwartz et Snap. Et notamment, il y aura des gens du collectif Coax. Donc, on va vous en parler plus en détail. Le collectif Coax, qu'est-ce que c'est ? En fait, le collectif Coax, c'est une coopérative. C'est une coopérative de musiciens. Il y a plein de choses dans ce collectif. Il y a un orchestre, il y a un collectif, il y a une coopérative, enfin il y a plein de trucs. Et c'est plein de musiciens qui ont plein de projets ensemble. Il y a aussi un label le collectif va très bien, ils font plein de choses, ils tournent beaucoup, il y a plein de projets. Le label va un peu moins bien, c'est un peu plus compliqué. Oui. Mais ce qui est important, c'est le collectif. Alors j'en discutais avec Yann Joussin qui sera là le 20 septembre au Pavillon Sauvage. Il m'a dit quelque chose que je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Mais peut-être que ça parlera aux auditeurs, c'est que Coax était désormais une scène nationale ou quelque chose comme ça. Dans la mesure où je ne suis pas au courant qu'ils aient une scène, ah si, parce qu'ils gèrent une scène aussi, je ne sais pas à quel endroit exactement, mais bon, forcément, ce n'est pas à Toulouse, donc ça intéresse moyen nos auditeurs, mais c'est en Île-de-France. On a la chance d'avoir donc des excellents musiciens du collectif Coax, dont Yann Joussin, qui vont venir à Toulouse le 20, donc il ne faut pas hésiter à aller voir ça au Pavillon Sauvage, surtout que ça doit être extrêmement raisonnable, il doit y avoir un PAF. Mais, L'entrée, c'est 1 euro l'adhésion au Pavillon Sauvage, hein, l'adhésion à l'association est prix libre. Ensuite. Voilà, il n'y a pas de. Des fois, il n'y a rien indiqué là. Non, il n'y a rien indiqué sur l'agenda. Très bien. Donc, à rater sous aucun prétexte. Ouais. Yann Joussin, qu'on avait reçu l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne sais plus, pour une émission en extérieur, justement, dans le Faubourg Bonnefoy. C'était franchement chouette. Duo avec Lucie Laric. Ouais, on avait fait des choses, ouais, c'était très très bien, avec Lucie, exact. Et donc on va s'écouter un morceau du collectif Coax, du disque qui s'appelle Lent et Sexuel, ça nous rappellera donc des souvenirs. Là c'est le Coax Orchestra, donc les compositions sont justement de Yann Joussin, et donc Yann est le batteur, et si j'ai bien compris, le 20 au Pavillon Sauvage, il sera en solo, entre autres. Très bien, on va s'écouter le morceau 4 qui s'appelle Funky, ça va nous réveiller ce coup-là, vraiment, c'est parti. Ouais, c'est le collectif Coax qu'on vient d'entendre avec un morceau sur l'album Lent et Sexuel, un morceau qui s'appelait Funky. Et on enchaîne avec un morceau qui s'appelle Musique d'ascenseur. On va clôturer l'émission sur cette belle ambiance. On espère que vous êtes bien réveillés maintenant, que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était France Impro, on est sur Radio Éphémère 89.1. On est super contents d'avoir fait cette rentrée ensemble. L'agenda des sonophages, on va continuer. Donc le 20, mardi prochain, c'est BDC Label avec Apollonius, Abraham Schwartz et Snap et le collectif Coax. C'est 1 euro l'entrée, l'adhésion à l'asso et prix libre. C'est rue, c'est avenue Jean Dagneau, rue de Chaussas à Toulouse. Ensuite, du 23 septembre au 23 octobre, il y a le printemps de septembre. Donc ça, c'est plein de choses à Toulouse, pour regarder sur le site du festival. Et pour finir, il y a un truc qui s'appelle Match and Fuse Toulouse. C'est un festival également du 29 septembre au 3 octobre. Donc j'en sais pas plus. Mais on en reparlera parce que c'est le 29 septembre. Entre temps, on aura l'autre émission, la prochaine, qui a lieu le 24. Donc à se rappeler, c'est tous les 2e et 4e samedis du mois. C'était cette saison et ce sera la saison prochaine également, j'espère. Et on va finir l'émission sur cette musique d'ascenseur par les collectifs Coax d'Île-de-France, qu'on aime bien et qu'on va aller voir, notamment Yann Joussin, mardi prochain, au Pavillon Sauvage. Et on vous dit au revoir, portez-vous bien, bonne quinzaine. Ciao, ciao. Au revoir, bon week-end.